Je cache et sac qu'il faut connaître. Une note par ces trois mots peut-être. On les durcit, je veux m'y mettre. Et personne dira que les lettres. Pourtant, est-ce que c'est plus facile? Faire autant quand on sait moins. Quand j'en ai cent, toi t'en mets mille. Pour un total, qu'est-ce que c'est bien? Je fais ce que je veux, de ce que j'ai, de ce que je veux, je fais ce que je peux. Stay.